s'en iront cherchant l'oubli au confin des idées mortes que les rêves sont disparus. Flammes éteintes, ils sont tous partis. Mais comme le temps, notre amour reste là, qui vit et qui grandit. Notre amour reste là.